إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الثالث في دراسة هذه الرسالة للشيخ ابن برجس رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، والتي عنوانها معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. C'est notre troisième assise autour de l'étude du site Risala. Son éminence, Cheikh عبد الكريم بن برجس رحمه الله، الله سبحانه وتعالى لو يدل في الدوس الأعلى. La Risala, c'est le comportement adéquat à avoir avec les gouverneurs à la lumière du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Nous avons vu dans l'introduction qu'il nous a montré avec les preuves, en s'appuyant sur le livre d'Allah et sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et sur les positions de ne plus être d'Allah alim, comme quoi le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur dans l'obéissance à Allah est l'un des fondements des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Dans cette introduction, il nous a montré les preuves éclatantes et claires, la position qu'avaient les nobles compagnons ridwanullah alayhim au moment de la fitna du Hajjaj, qui était un tyran et qui a fait couler beaucoup de sang, et qui a fait couler le sang des nobles de cette communauté, et qui a encerclé, qui a transgressé le sacrement d'Allah au moment où Ibn Zubayr s'est réfugié dans la mosquée de la Kaaba. Et malgré tout ça, Abdullah ibn Omar et les compagnons qui vivaient à son époque voyaient le fait de lui obéir et de dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette introduction aussi, il nous a montré la position de l'imam Ahmad rahimahullah contre les hommes de science, sinon pas les communs, ni la jeunesse de Facebook. Mais les hommes de science sont venus le voir pour lui dire on ne supporte plus le gouvernorat de l'Ouathiq. La situation est devenue énorme. On ne peut plus. On va se révolter contre lui. Il leur a dit attention, préservez votre sang et préservez le sang de la communauté. Attention. Et il a débattu avec eux plus d'une heure. Ils sont revenus à leur raison. Lui, il a été éprouvé. Combien de nobles hommes de science ont été tués durant cette fitna que Banu al-Abbas voulait faire propager dans la communauté, le fait comme quoi le Coran est écrit. Et malgré tout ça, l'imam Ahmed disait non, vous devez obéir au gouverneur, vous ne devez pas diviser la communauté, vous devez préserver le sang de la communauté et votre sang aussi. Et il nous a montré aussi dans cette introduction la position des imams de science, que ce soit l'imam Malik, l'Awza'i et tous les grands imams, comment il était, comment il respectait et donnait l'importance à ce fondement principal qui est le fait d'écouter et d'obéir à son gouverneur dans l'obéissance à Allah. Et après, dans le premier chapitre, il a commencé à nous détailler les règles qu'il faut maîtriser vis-à-vis du gouverneur. La première règle, s'il est obligatoire de croire, d'avoir une allégeance vis-à-vis de son gouverneur. Même si ce gouverneur a pris le pouvoir par la force, par les armes ou par un putsch, peu importe. Du moment qu'il a pris le pouvoir, ça y est, tu es obligé de voir une allégeance vis-à-vis de ce gouverneur. Et ne tombe pas dans l'ambiguïté de faire, j'ai un, moi j'ai pas fait l'allégeance à tel roi ou à tel président. Abaden. Du moment que les nobles de la communauté, les hommes de science, les spécialistes de toute matière et de tout genre, et les têtes de tribus, etc., ont fait l'allégeance, c'est fini. Ils l'ont fait pour toute la communauté. Hein? Certains disent, mais moi, je n'ai pas fait l'allégeance. Là, les autres, ils l'ont fait à ta place. Hein? T'imagines faire passer une population d'un pays de 30 millions ou 40 millions pour chacun, ils fassent l'allégeance. Là, du moment que les hommes de science, les dignes de la communauté, les responsables, les chefs de tribu, etc., sont passés, ils ont fait l'allégeance, ben, elle est faite pour toute la communauté. Hein? Et aussi dans cette règle, il y a le fait, l'avertissement énorme du fait de ne pas voir d'allégeance vis-à-vis d'un gouverneur. Il y a un énorme avertissement. Et le fait de désobéir et de sortir de la tutelle d'un gouverneur. La deuxième règle, s'ils sont passés avec nous ces règles. Celui qui a pris le pouvoir par la force, il s'est imposé. Et le pouvoir est entre ses mains, il est obligatoire de lui obéir et c'est interdit de lui désobéir ou de prendre les armes contre lui. Pour fermer la porte à la fitna et pour éviter le bain de sang de la communauté et pour éviter l'anarchie et l'insécurité. Hein? Et ça, ce sont des règles sur lesquelles il y a l'unanimité des éminences de science. Laisse-moi des, hein, les hommes de science, les savants, hein, dont les noms s'écrivent, les savants S-A-V-A-N-T-S, et non pas les savonnettes de Marseille qui te font glisser. Laisse tomber les minus, laisse tomber les savonnettes de Marseille qui vont te faire glisser et te faire perdre ton bas-monde et l'au-delà. Là, ces règles, ils ont l'unanimité des hommes de science dignes du nom. Et ceux qui respectent la sunna de leur prophète, alayhi salam, et qui respectent la voix de leur puiseur, d'Allah, alayhi. La troisième règle, celui qui a pris le pouvoir par la force, il a vaincu et il a eu le pouvoir par la force. Même s'il il remplit pas les conditions du fait d'être gouverneur, du moment que le pouvoir est entre ses mains, il est obligatoire. Il est obligatoire pour nous de lui obéir. Il nous est interdit de se révolter contre lui et de lui désobéir. Donc l'obéissance restera toujours dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, c'est l'unanimité des dignes de la communauté. Et non pas les parleurs d'Al-Khassira, ou les imbéciles, ou les d'Antenne 2. Abadan. Hein? Et quatrièmement, chaque gouverneur qui a le pouvoir sur un pays, ben il a son allégeance. On a à lui obéir. Et qu'on ne rentre pas dans l'ambiguïté. Ouais, mais on n'a pas le grand imam de l'empire musulman. De bien avant l'époque de l'imam Ahmad rahimahullah et des grands imams de la communauté, le grand empire n'existe plus. Et ces grands imams qui avaient la clairvoyance, qui avaient la science, voyez l'allégeance à tous les gouverneurs dans les pays où ils se trouvaient. Donc on sort de cette ambiguïté aussi. Hein? Chaque pays, il a son gouverneur. Le Maroc, il a son roi. L'Algérie a son président. Et ainsi de suite. L'Égypte, la même chose. Et donc tout un chacun qui se trouve dans un pays, il obéit à son gouverneur. Dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et il n'est pas permis d'avoir deux imams. De gouverneurs dans un pays. Et quand il y a eu un gouverneur qui a eu le pouvoir, qui s'est installé, il a établi son pouvoir, etc., il y a un deuxième qui arrive, le deuxième, il faut le tuer. Hein? Et cela te prouve aussi qu'il n'est pas permis de concurrencer cet imam qui a pris, même s'il est tyran, même s'il a pris le pouvoir par la force, il n'est pas permis de le concurrencer et de se révolter contre lui. Parce que pour fermer la porte des bains de sang et de l'anarchie. Regardez, depuis que la brèche a été ouverte pour la Tunisie, pour la Libye, pour l'Égypte, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait contre eux, ce désastre va s'arrêter. Combien de femmes se sont fait violer jusqu'à maintenant? Combien d'enfants se trouvent orphelins maintenant? Combien de biens ont été brûlés? Et ainsi de suite. Et t'as qu'à voir ce qui se passe. La cinquième règle, le wali qui existe, le gouverneur qui existe, il est obligatoire de lui obéir. On oublie un wali qui existe en tant que personne. On n'oublie pas un néant, ni quelqu'un qu'on ne sait pas qui il est. Là, il est là. Hada, on lui obéit. On sait la personne, voilà, c'est tel, il est le roi de tel pays, tel, il est le président de tel pays. Les gens de ce pays doivent lui obéir. Et on n'oublie pas un néant qui n'existe pas, ni à quelqu'un qu'on ignore. On ne sait pas. Et on n'oublie pas non plus à quelqu'un qui n'a pas le pouvoir. Comme font les adeptes des groupes, comme l'Ikhwan, comme l'Ahbash, comme le Tablir, comme le Khawarij, qui voient dans chaque quartier, il y a une cellule, il y a un émir. Une famille, un émir, auquel ils font l'allégeance. Plus l'émir du quartier, l'émir de la ville, l'émir de l'université, ainsi de suite, jusqu'à arriver au grand émir, le fondateur de leur groupe, ou là le responsable de leur groupe. Donc, et cela est contraire à la sunna du prophète, alayhi salam. Il y a un seul gouverneur. Hein? Et parmi les choses qui font rigoler, qui font pleurer en même temps, certains se voient le khalif de la communauté alors qu'ils sont dans une cellule qui ne fait même pas 2 mètres, et ils font leurs besoins dans le même endroit. Ils se voient le khalif, hein, d'un état islamique, et certains leur font allégeance, leur veulent l'obéissance. Subhanallah. Hein? La sixième règle, c'est respecter leur gouverneur. Car dans le respect du gouverneur et des hommes de science, il n'y a que le bien. Dans le fait de négliger, de ne pas respecter, de dénigrer les gouverneurs et les hommes de science, il n'y a que le mal qui en découle. Parce que dans le fait de ne pas respecter le gouverneur et de le dénigrer, on va pousser les gens à se révolter contre lui. Et il va y avoir un grand mal. L'insécurité, la cata, hein? Et dans le fait de dénigrer les hommes de science dignes du nom, les gens ne vont pas donner l'importance à la législation que portent ces hommes de science. Donc il y a un grand mal qui découle. Hein? Et le deuxième chapitre de ce livre, c'est que l'incitation, et comme quoi il est obligatoire de blâmer le mal et d'ordonner le bien. De blâmer le mal et d'ordonner le bien. Mais nous avons vu ce chapitre ce matin, et maintenant, comment le faire avec les gouverneurs? Quelle est la voie à prendre pour parler au gouverneur du mal qu'il y a dans le pays? Oula des erreurs, si lui il commet des erreurs. Yaqulu hafidhahullah, tariqatul inkar ala al-wullat. La voie pour blâmer les mauvais actes que font les gouverneurs. يقول فإن سألت عن الطريقة الشرعية للإنكار على السلاطين فهي مبسوطة في كتب السنة وغيرها من كتب أهل العلم وفي مقدم الإجابة على هذا السؤال أمهد بنقلين ثم أورد الأدلة على ما أقره والله الموفق. Il dit, si tu poses la question, quelle est la voie légiférée pour blâmer les actes des gouverneurs? Il dit, il est dans les livres de la Sunna. C'est-à-dire, les preuves sont dans la révélation. Puisque le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été donné 2 révélations. Le livre d'Allah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sa Sunna. Hein? Et tout ceci se trouve dans les livres d'hommes de science dignes du nom. Et avant de répondre à cette question, il te met en avant 2 textes que tu dois méditer. Ce sont des textes qui viennent pour confirmer ce qu'il va nous confirmer à ce niveau-là. يقول النقل الأول قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فإنه يجب ويحرم بغير ذلك، ذكره القاضي وغيره. والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير، وإلا سقط وكان حكم ذلك كغيره. Il dit, dans ce qui rapporte de Ibn Mufleh, dans l'Adab al-Sharia, et on ne va pas blâmer, quelqu'un ne va pas blâmer le sultan, il va le faire tout simplement en faisant la leçon au sultan et au gouverneur, en lui faisant peur, en lui rappelant, en l'avertissant qu'un jour il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce qu'il est en train de faire, hein, va avoir... va en découler le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui fait peur. Il le rappelle. Il lui fait la rappel par la meilleure des façons. Ainsi, il agit ainsi, comme ça c'est obligatoire de faire avec le gouverneur. Et autrement, c'est interdit. Hein? Et s'il a peur, lui, s'il n'a pas peur pour lui-même, ben, s'il a peur pour lui-même, il n'a pas à le faire. Hein? S'il a peur pour lui-même, il n'a pas à le faire. D'être tué, d'être etc., ben il n'a pas à le faire. قال ابن الجوزي رحمه الله: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ. فما تخشين القول نحو يا ظالم يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شررها إلى الغير لم يجوز، وإن لم يخف الله على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء. Ibn al-Jawzi de dire ce qui est permis au niveau du fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, de blâmer le mal chez le gouverneur, c'est de leur faire connaître la situation du mal dans laquelle ils sont tombés, de les exhorter, de leur faire la leçon. Mais le fait de leur dire « Oh toi l'injuste, oh toi qui commets l'injustice, oh toi qui ne crains pas Allah subhanahu wa ta'ala », si ceci va attiser la fitna, va créer la fitna, et que cette fitna et ce mal va dépasser la personne et va aller à autrui à la population, il n'est pas permis. Et s'il a peur que pour lui-même, dans ces cas-là, dans la voie de certain nombre de sciences, c'est permis. Il faut savoir que tout ceci ne se passe pas en public. Tout ceci se fait en privé. Hein? Et pas faire comme cet homme qui était dans l'un des couloirs de la Mecque à l'époque de l'un des khalifs, hein, de Banu al-Abbas. Et quand il a vu le khalif passer pour faire sa omra, il s'est levé et lui a dit: je vais te parler, mais je vais être sévère avec toi dans la parole. Le khalif était intelligent. Il avait de la science, il l'a regardé, il lui a dit doucement: calme-toi, calme-toi. Tu n'es pas Moussa alayhi salatu salam et je ne suis pas non plus Pharaon. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa de dire à Pharaon une bonne parole. Wa qula lahu qawlan layyinan. قال والذي أراه المنع من ذلك. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ce que je vois c'est qu'il est interdit d'être sévère dans la parole avec lui. النقل الثاني قال ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كان كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Le deuxième texte que nous ramène Cheikh Abdel Karim رحمه الله تعالى, c'est le rapport de Ibn Nahas dans son livre Attirer l'intention des insouciants. sur les actes des ignorants et les avertir contre le fait de prendre le chemin de ceux qui périssent ou ceux qui vont à leur perte. Et il dit, rahimahullah, Ibn Nahas, dans son livre, il dit, il choisit le fait de parler avec Sultan, d'être en tête à tête avec lui, et ne pas parler avec lui en public, en tête à tête, entre deux yeux. Hein? Et il dit, et si ça se fait en secret complètement, et c'est mieux, et je préfère que ce soit en secret. Et il lui donne le conseil, khufiyatan, c'est-à-dire sans que personne ne le voit, et qu'il n'y ait pas une troisième personne avec eux. Hein? يقول رحمه الله لقد كان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصالحة صادرة من الحكام وسطا بين طائفتين. الشيخ عبد الكريم رحمه الله تعالى de dire la position de ne plus être idwan Allah alayhim concernant les erreurs et les choses à blâmer chez les gouverneurs, ils étaient dans un juste milieu entre deux groupes. Entre la position de deux groupes. Leur position était dans un juste milieu. إحداهما الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكرا والأخرى الروافض الذين أضفوا على حكامهم قداسة حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب وبمنع عن صريح السنة والكتاب. Et il dit, les deux groupes qui sont égarés à ce niveau-là et qui ont des positions vis-à-vis des gouverneurs qui sont en divergence avec la sunna et le livre d'Allah, ce sont le Khawarij et le Mu'tazila. Car le Khawarij et le Mu'tazila voient la révolte contre le sultan, contre le gouverneur quand il commet un blâmable. Il voit le fait de se révolter contre lui. Hein? Le deuxième groupe, ce sont Rawafid, qui ont donné à leur gouverneur la situation de sainteté. Et comme quoi ils sont à tel point, ils ont élevé à un degré, comme quoi ils sont épargnés de l'erreur et qu'ils ne commettent aucune erreur. Et là, ce sont deux extrêmes. Et les deux groupes sont loin de la vérité, sont très loin de la vérité. Ils sont très loin de la sunna du prophète et du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala en agissant ainsi. وفق الله أهل السنة والجماعة أهل الحديث إلى عين الهدى والحق فذهبوا إلى وجوب إنكار المنكر لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة وكان عليها سلف هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى accompli sur la bonne voie. Et sur la voie droite, les gens de la sunna, et ceux qui sont unanimes sur la sunna, qui sont les gens du hadith, il les a guidés vers la droiture et vers la vérité. Ils sont allés dans le fait de leur voie et le fait de blâmer le mal, hein, mais avec les règles de la législation. Les règles qui sont dans la sunna. Les règles sur lesquelles étaient les plus heureux d'Allah alayhim de cette communauté. ومن أهم ذلك وأعظمه قدرا أن يناصح ولاة الأمر سرا فيما صدر عنهم من منكرات ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس لما ينجم عن ذلك غالبا من تأليب العامة وإطارة الرعاع عليهم وإشعال الفتن. Le point le plus important dans tout ça, c'est que le conseil au gouverneur doit se faire en secret et en privé, attirer leur attention sur le mal qu'ils sont en train de faire. Et ça ne doit pas se faire sur les marches d'un manbar, ni dans les réunions où il y a les conférences, etc. Là où se réunissent les gens, ni on réunit les gens pour déballer les erreurs des gouverneurs. Parce que agissant ainsi, on est en train d'exciter et d'attiser la haine des populations contre leurs gouverneurs et on va allumer la fitna. Hein? Partons de là, tu vois que tout ce qui se passe maintenant sur le manbar, que ce soit dans beaucoup de pays ou que ce soit en Occident, tous les vendredis, qu'est-ce qui se passe? Les imams approuvent ces révoltes qui sont une réplique, une photocopie de ce qui s'est passé en Europe et en France. Ces révoltes, hein, dans lesquelles on ne demande même pas l'application de la charia d'Allah, on demande la démocratie qui est la mécréance totale. Et tous ces imams, chaque vendredi, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'éloge, hein, à ces révoltés et à ces révoltes. Et ils dénigrent les hommes de science qui y mettent des fatwas qui sont conformes au livre d'Allah et à l'authentique de la sunna, du prophète al-Sunna, qui interdisent ce genre d'actes qui sont les révoltes et les manifestations. Tout s'est renversé. La tête est devenue les pieds sont devenus la tête. Hein? Tout ceci parce que l'imam, il veut être dans le même courant que les gens qui sont devant lui. Hein? Il veut être prendre la même marche, dans la même direction qu'eux. Hein? Et parce que le souci de la masse, d'avoir de la masse devant soi. L'aïdan billah. Et ceci est très dangereux. Et ceci, ce n'est pas conseillé à la communauté de Mohammed alayhi salatu salam. Ceci, c'est un mauvais conseil. Ceci, c'est envoyer la communauté de Mohammed alayhi salatu salam dans la gueule du loup. Ceci, c'est jouer le jeu que veut de toi l'ennemi d'Allah. Yaqulu rahimahullah wa askanahu fasiha jannatih wa hada laysa da'bu ahli sunnati wal jama'a. بل سبيلهم ومنهجهم جمع قلوب الناس على ولاتهم والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية والأمر بالصبر على ما يصدر عن الولات من استئثار بالمال أو ظلم للعباد مع قيامهم بمناصحة الولات سرا والتحذير من المنكرات عموما أمام الناس دون تخصيص فاعل كالتحذير من الزنا عموما ومن الربا عموما ومن الظلم عموما ونحو ذلك. Et ça agir ainsi, hein, déballer les erreurs du gouverneur sur le manbar ou là sur les écrits, sur les sites internet, etc., ou dans les assemblées où il y a des gens, etc. Ceci ne fait pas partie de la voix des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Leur voix, c'est le contraire de tout ça. Ceci va attiser la haine du commun contre leur gouverneur. Alors la voix des puiseurs d'Allah Alim, c'est réunir les cœurs des gens autour de leur gouverneur et œuvrer pour propager la fraternité et l'amour des populations à leur gouverneur et leur ordonner le fait de patienter quand il émane des actes injustes de la part des gouverneurs. Et quand les gouverneurs s'accaparent de la fortune du pays, etc., les gens de la sunna, quel leur rôle c'est quoi et leur devoir c'est quoi? C'est d'inciter les gens à patienter et à endurer, à s'acquitter de leurs devoirs, comme leur a ordonné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et à attendre leurs droits chez Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il y a injustice, quand il y a tout ça, ben le rôle des hommes de science dignes du nom, c'est qu'ils incitent les gens à quoi? À patienter, à endurer. Et ils accomplissent le conseil. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ils accomplissent le conseil comment? En secret. Ils n'ont pas en public. Ils n'ont pas sur le manbar. Et ils avertissent contre le mal et contre le blâmable en général devant les gens. Ils disent sans désigner celui qui fait, sans désigner une personne ou une personnalité ou un président ou un roi. Rien. Ils parlent, ils avertissent contre zina en général, contre riba en général, contre l'injustice en général, sans désigner qui que ce soit. Mais ils avertissent. يقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولات وذكر ذلك علنا منابر لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. يلدي رحمه الله تعالى. Les paroles sont à Ibn Baz, Hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le firdaus al-a'la, ne fait pas partie de la voie des plusieurs d'Allah alayhim le fait de déclarer en public les défauts des gouverneurs et de citer ses défauts et ses erreurs sur le manaber, car ceci va pousser à la révolte et au putsch et à la révolte contre ce gouverneur et au fait de ne pas écouter, de ne pas obéir à ce gouverneur dans le bien. Et ceci va ramener la révolte. Et la révolte va faire un grand mal. Il n'y aura aucun bien derrière ces révoltes. Mais la voie qui a été suivie par les plusieurs d'Allah Alain, c'est de conseiller le gouverneur en privé. De lui ou de lui écrire. Ou hein, de se rapprocher des hommes de science qui ont rapport avec lui. Pour leur montrer les erreurs, pour que eux puissent conseiller ce gouverneur. Et quand tu vois maintenant ce qui a été édité parmi les lettres du Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, qu'il a envoyé à des présidents, qui a envoyé des responsables politiques, regarde les annales maintenant, tout ce qui a été publié depuis la mort de Cheikh Ibn Baz, tu vas comprendre le langage qu'il utilisait pour s'adresser au président et nous on croit que les hommes de science ne font rien. Abadan akhal islam. Abadan. Il faut, par exemple, juste y aller avoir l'expulsion de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala de Jordanie. Parce que des chiurs de différentes sectes soufis ont excité le ministre de l'Intérieur contre lui. Il a décrété de l'expulser. Hein? Quand Cheikh Ibn Baz a su la scène, il a téléphoné directement au roi Abdallah. Attention. Hein? Il ne faut pas croire. Il a écrit à Bourguiba, il a écrit à beaucoup de. Regardez les annales. Hein? Des lettres de Cheikh Ibn Baz et des différents. Hein? Autres hommes de science. Le comportement et le langage qu'ils utilisent aussi. Le comportement et le style qu'ils utilisent pour parler à. Non pas comme un Adaki, il dit, Rahimahullah, il dit de la République, de l'univers des animaux, de l'Assad à Fahd. C'est-à-dire que les rois, il les appelait l'Assad, c'était l'ancien président de Syrie, et Fahd, l'ancien roi, Rahimahullah, Rahimahullah, al-Jami'la, d'Arabie Saoudite, il dit. Vers le royaume des animaux. Il cite Ada et l'autre. Vous imaginez un petit peu. Comment veux-tu qu'un roi ou qu'un président puisse accepter de toi? Alors tu le mets au pied. Ou certains présidents les appellent Khanafis. C'est des petites bêtes noires là qui sortent l'été. Hein? Et ainsi de suite. Comment tu veux qu'il accepte de toi? Qu'est-ce qu'il va accepter de toi? Et c'est pas comme ça. Ça, c'est pas la voie ni ce qu'il a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ni la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons d'Allah alayhi, ni la voie sur laquelle étaient les grands imams de la communauté et les dînes de la communauté. Yaqulu rahimahullah wal kalam, le Cheikh Ibn Baz rahimahullah, wa inkaru munkar yakunu min duni dhikri al fa'il. Fa yunkaru az-zina wa yunkaru al-khamr wa yunkaru ar-riba min duni dhikri man fa'ala wa yakfi inkaru al-ma'asi wa at-tahdhir minha min ghayri dhalika an fulan yaf'alaha la hakim wa la ghayru hakim. Il dit rahimahullah ta'ala, et les paroles sont toujours à Ibn Baz, et le fait de blâmer le mal se fait quand on le fait en public sans citer celui qui le fait, sans citer la personne qui est tombée dans ce mal. On blâme l'adultère, on blâme l'alcool, on blâme riba, et ainsi de suite, sans citer la personne qui a commis cet acte. Ça suffit le fait de blâmer les péchés, et d'avertir contre les péchés, sans citer que tel et tel y a fait, ou tel gouverneur a été vu à faire ceci ou cela, dans tel pays ou dans tel pays, etc. Et ceci, que ce soit le gouverneur ou celui qui gouvernait, on disait une personne. Hein? Mais quand il s'agit de quelqu'un en particulier, tu vas le voir. Une personne. Hein? Déjà ça, quand il s'agit de quelqu'un comme toi, tu vas le voir directement, tu le conseilles pour qu'il puisse accepter de toi et tu l'utilises. Le langage, tu lui montres que tu veux son bien. Hein? Qu'est-ce qu'il en est du gouverneur? de ceux qui ont la responsabilité de toute une communauté, encore plus. يقول الشيخ رحمه الله ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه ألا تنكر على عثمان قال أنكر عليه عند الناس لكن أنكر عليه بيني وبينه ولا أفتح باب شر على الناس. Regarde maintenant le plus aïeul et ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire de prendre leur chemin. Regarde comment ils étaient. De ce que nous cite ici Cheikh Ibn Baz rahmatullah, il dit quand il y a eu la fitna à l'époque de Uthman radiallahu anhu, certains sont allés voir Oussama ibn Zayd, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agréé les compagnons du prophète, ils disent est-ce que tu ne vas pas blâmer les actes, hein? Tu ne vas pas blâmer, tu ne vas pas aller voir Uthman et le blâmer. Il lui a dit vous voulez que je le blâme devant les gens, je le fais entre moi et lui, je ne veux pas ouvrir une porte du mal, hein. Donc le fait que c'est un fondement chez les gens de la sunna, le fait de ne pas citer les erreurs et blâmer les erreurs du gouverneur sur un manbar en le citant, c'est quelque chose qui est chez les compagnons, c'est quelque chose de naturel. Ils, quand ils veulent ordonner le bien ou blâmer le mal d'un gouverneur, ils vont directement voir le gouverneur en secret, la main dans la main, comme l'aura enseigné le Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, ils le font, et c'est comme ça que ça doit se faire. Et si on laisse cette voie-là, on va à notre perte. Et on amène la communauté à un bain de sang, et à l'anarchie, et à un mal. يقول رحمه الله ولما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه نسأل الله العافية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. Il dit رحمه الله تعالى mais quand les gens ont ouvert la porte du mal à l'époque de Uthman رضي الله عنه et ils ont blâmé en public Uthman radiallahu anhu arda, la fitna s'est accomplie, hein? Et le mal s'est instauré et les gens sont dans ce mal jusqu'à nos jours et les traces de ce mal on les vit encore de nos jours jusqu'à ce qu'il est arrivé aussi la fitna entre Ali et Muawiya, l'assassinat de Uthman, l'assassinat de Ali radiallahu alayhim, à cause de tout ceci, fait de divulguer les erreurs et de blâmer en public. Et un grand nombre parmi les nobles compagnons de Mohammed a.s. ont été tués à cause du fait de dénigrer et de blâmer en public et de citer les erreurs en public, jusqu'à tel point que les gens ont détesté leur gouverneur et ils l'ont tué, hein. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa al-afiyah. Ici s'arrêtent les paroles de Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayh, qu'ils ont dans le recueil des fatawas du Cheikh. يقول الشيخ عبد الكريم رحمه الله وغفر له وهذا الذي قرره الشيخ حفظه الله هو امتداد لما قرره أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى في كتبهم وهو في الحقيقة امتداد لما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم من أهل العلم والدين. Il dit رحمه الله تعالى ce qu'a confirmé Cheikh Ibn Baz ici, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde, ce n'est que la continuité de ce qu'ont confirmé les imams de la da'wa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les comble de sa sainte miséricorde, ce qu'ils ont confirmé dans leurs livres. Et il dit en réalité ceci est une continuité, hein, sur laquelle ce n'est que la suite de la voie sur laquelle étaient les puiseurs d'Allah Alim depuis les compagnons et leurs successeurs et ceux qui ont suivi leur chemin parmi les hommes de science et de la religion. Ça veut dire qu'on doit rester dans des maillons de la chaîne. On ne doit pas sortir de la chaîne. Nos actes, la voie sur laquelle nous devons être, est comme un maillon, les maillons de la chaîne. L'un attaché à l'autre, jusqu'à arriver à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous, derrière nos hommes de science, etc., et eux, derrière les hommes de science qui les ont précédés, etc., jusqu'à arriver au successeur du compagnon de Muhammad alayhi sallam, jusqu'à arriver au compagnon de Muhammad alayhi sallam, jusqu'à arriver à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous ne devons pas être des marginales et prendre des voies que n'avaient pas pris les nobles compagnons, radouanullah alayhim. Abadan akhal islam. Et la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons, c'est celle-ci. C'est quand il y a blâme à faire à un gouverneur, se fait en privé. Et celui qui est capable de le faire et qui a les capacités, il va le faire entre lui. Sinon, si lui n'est pas capable de le faire, ben il cherche quelqu'un qui a rapport avec lui qui va le faire. يقول وفي هذا يقول أئمة الدعوة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ والشيخ سعد بن عتيق والشيخ عمر بن سليم والشيخ عبد الله العنقري رحم الله الجميع. Et dans ceci, les imams de la da'wa de Najd, tout ce que vous avez entendu, ont dit. Que Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde. عندما شغب بعض المنتسبين إلى الدين والدعوة في زمنهم على هذا الأصل وأتار الشبه الشيطانية حوله فقال أولئك الأئمة. Et quand ces nobles hommes de science de la da'wa de Najd ont dit, quand certains ont commencé à ramener des ambiguïtés, certains qui appartenaient à la da'wa, qui appartenaient à la religion, qui étaient des prêcheurs à leur époque, etc. Et ils ont commencé à amener des ambiguïtés autour de ce fondement. Ils ont commencé à immiscer des ambiguïtés du shaitan autour de ce fondement. Ces grands imams ont dit « وَأَمَّا مَا قَدْ يَقَعُ مِنْ وُلَّاتِ الْأُمُورِ مِنَ الْمَعَاصِي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام فالواجب مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس. إيه الجزء رحمة الله عليهم كنت اسكي اغيبكم بشي. Et ce qui s'accomplit comme péché de la part des gouverneurs et des actes qui sont en divergence avec la législation, qui n'impliquent pas qu'ils sortent de l'islam, qui des actes qui ne le font pas sortir de l'islam, ce qui est obligatoire, c'est de les conseiller selon la voie légiférée et avec douceur. Selon, il est obligatoire de les conseiller, et selon ce qui est légiféré, selon le livre et la sunna et la voie du plaisir d'Allah, et le faire aussi, et savoir le faire, et le faire avec douceur. Et suivre dans tout ça la voie du plaisir d'Allah, sans les critiquer, sans être sévère dans la parole avec eux, que ce soit dans les réunions ou là dans les conférences ou autres. Hein? واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد. Il faut croire aussi que ça fait partie du fait qu'il est obligatoire de blâmer son mal, hein? Que blâmer le mal comme il se doit, etc. Il faut croire que ça c'est une obligation. يقول وهذا غلط فاحش. وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. Et donc ceux qui ont ramené la l'ambiguïté disaient que il faut croire que ça fait partie du fait de blâmer le mal qui est obligatoire pour les serviteurs. Et les imams de la da'wa dire ceci est une énorme erreur. Et ceci c'est une ignorance qui est claire. Et la personne qui dit ceci ne sait pas les dégâts qui découlent et les grands dégâts qui découlent pour la religion et pour la vie des gens. Comme le sait ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a illuminé leur cœur et qui ont connu la voie du puiseur et la voie sur laquelle étaient les imams de la religion. C'est-à-dire le fait de blâmer en public et d'instaurer cette chouba chez les gens. Cela est une énorme erreur, une énorme ignorance de la voie du puiseur d'Allah alayhim. Qala Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdulhab rahimahullah ta'ala wa ghafara lah في رسالة له ذكرناها هنا لعظام فائدتها قال رحمه الله et là il dit que Cheikh l'Islam Mohamed Ibn Luhab Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde a cité dans une risala qui Cheikh va citer en entier ici parce qu'il y a un grand bénéfice à tirer de cette risala قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من الإخوان سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد au nom d'Allah le clément miséricordieux de Muhammad ibn Abd al-Wahhab aux personnes à qui va arriver cette lettre parmi les frères, salutations d'Allah ainsi que sa clémence et ses bénédictions sur vous. Et après, يجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق وننصح إخواننا إذا جرى منها شيء حتى فهموها وسببها أن بعض أهل الدين ينكر منكرا وهو مصيب ولكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان إيه il leur dit dans la risala, il se passe chez vous des choses qui se passaient dans le passé et qui se passent chez nous. Et on conseille nos frères quand il arrive des choses pareilles, jusqu'à ce qu'ils comprennent la situation. Et la cause de tout ceci, c'est que certains hommes de la religion blâment un mal. Ils sont dans la vérité quand ils le blâment. Mais ils se trompent quand ils donnent à la situation une place qui n'est pas, qui ne lui sied pas, quand ils grandissent la situation. Et ceci amène la division entre les frères. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إلا أخسيت لأبخوف Comme quoi, il ne faut pas se diviser dans la religion. La preuve, il est dans le verset qui dit « Ô vous qui avez cru, préservez les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et nous mourrez qu'en étant soumis à Allah, qu'en étant muslim. Cramponnez-vous à l'once d'Allah, azza wa jal, tous, c'est-à-dire au livre d'Allah et à la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam, et ne vous divisez pas. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous, alors que vous étiez des ennemis, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la fraternité entre vous, et vous êtes devenus, par le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, des frères, et vous étiez sur une pente qui allait vous amener vers la perte, vers le feu de l'enfer, et Allah subhanahu wa ta'ala vous en a sauvés. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala vous montre ses signes. Peut-être vous allez mériter la guider, vous allez être guidé. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاث أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم والحديث عند الإمام مسلم والإمام أحمد رحمة الله على الجميع et il leur cite aussi une autre preuve dans un hadith authentique chez l'imam Muslim et chez l'imam Ahmed que Allah subhanahu wa ta'ala vous agrée trois choses et accepte de vous trois choses, c'est que vous lui réservez le culte et vous lui faites aucun souci et que vous vous cramponnez au livre d'Allah et à l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam tous et que vous ne vous divisez pas dans la religion et que vous conseillez ceux qui vous gouvernent يقول وأهل العلم يقولون الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه ويكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه، صابرا على ما جاءه من الأذى. Il dit rahimahullah ta'ala, dans la lettre qu'il leur a envoyée, et les gens de science disent que celui qui ordonne le bien, qui blâme le mal, a besoin de trois choses essentielles et principales. Il doit connaître ce qu'il va ordonner. Il doit savoir, est-ce que cette chose est à ordonner ou pas ordonner. Il doit savoir ce qu'il doit interdire aussi. Et avec ça, il doit être doux dans ce qu'il ordonne et dans ce qu'il interdit. Et il doit aussi endurer, être patient du mal qui va en découler du fait d'agir ainsi. Parce que quand tu vas ordonner le bien, et tu vas blâmer le mal, hein, attends-toi à ce que tu subisses. Donc tu dois patienter. Hein? Maintenant, je vous pose la question. Ceux qui appellent à la révolte à partir de Facebook, et etc. Il est laïc qui agissent ainsi au Maroc et ailleurs. Hadou, ils savent ce que c'est que le mal et le bien. Hadou, par Allah, ils savent pas faire la différence entre leur cour et leur bouet. Entre l'os de la cheville et l'os du poignet, ils savent pas faire la différence. Hein? C'est pour ça que tu vois les dégâts qu'il y a. Hein? Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa l'afia. La liberté. Là, c'est pas la liberté qu'il veut. Il veut le libertinage. Hein? Il veut le libertinage. Faire ce qu'il veut. Hein? Manger en plein jour pendant le mois de Ramadan. Hein? Que les homosexuels soient reconnus. Et ainsi de suite, vas-y, la liste est longue. Voilà ce qu'il veut. Et tout ce que c'est est en contradiction avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la réelle liberté pour laquelle nous sommes créés, c'est d'être soumis à Allah Azza wa Jal. Notre liberté, frère en Allah Azza wa Jal, il est dans notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le fait d'être conforme au livre d'Allah, à l'authentique de la sunna et à la voie de ne plus erreur dans l'âme. C'est là où il y a notre liberté. Hein? L'énorme liberté, liberté de l'esprit, liberté de l'âme, la quiétude totale, il est dans ceci. Dans le fait d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre dans tout ça le messager et la voie du puiseur d'Allah alayhi. Yaqulu rahimahullah. Wa antum muhtajuna lil hirs ala fahmi hadha wal 'amali bih. Fa innal khalala innama yadkhulu ala sahibi ad-din min qillati al 'amali bi hadha aw qillati fahmihi. Et il dit, et vous, en s'adressant, vous avez besoin de comprendre ceci et de le mettre en application. Car les lacunes vont s'immiscer dans l'homme de la religion par le fait qu'il ne met pas en application ceci, c'est-à-dire les trois points qu'il nous a cités, et qu'il ne les, ou alors il ne comprend pas. C'est-à-dire le fait de savoir qu'est-ce que tu dois ordonner, qu'est-ce que tu dois interdire, et de le faire comme il se doit, avec doigté, et d'endurer. Ceci, tu dois le comprendre et le mettre en application. Hein? Et les lacunes arrivent chez les gens, pourquoi? Parce que ils ne mettent pas en application, ils ne le comprennent pas. وَأَيْضًا يَذْكُرُ الْعُلَمَاءُ أَنَّ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ إِذَا صَارَ يَحْصُلُ بِسَبَبِهِ افْتِرَاقٌ لَمْ يَجُزْ إِنْكَارُهُ. Et les hommes de science disent que quand le fait de blâmer le mal va en découler la division, il n'est pas permis de le faire. فالله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين والمسلم لا يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه. Il leur dit, Allah, Allah, dans le fait de mettre en application ce que je vous ai cité et de le comprendre, car si vous ne le faites pas, quand vous allez blâmer le mal, ça va être un mal pour votre religion. Et le musulman accourt vers le fait d'acquérir le bien de sa religion et de son bas monde. وسبب هذه المقالة التي وقعت بين أهل الحوطة لو صار أهل الدين واجب عليهم إنكار المنكر فلما غلظوا الكلام صار فيه اختلاف بين أهل الدين فصار فيه مضرة على الدين والدنيا. Il dit, la cause de cette parole, de cet exposé, c'est ce qui est arrivé entre les gens de l'Houta, contre les gens de la religion. Car si le fait, voire qu'il est obligatoire de blâmer le mal, et contre les hommes de la religion sont sévères dans ceci, ceci a amené, le fait, cette situation de sévérité, a amené une divergence entre eux, les gens de la religion. Et c'est devenu un mal dans la religion et dans ce bas monde. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a cette sévérité. Il n'y a pas le fait d'avoir utilisé un langage adéquat et une douceur. يقول هذا الكلام وإن كان قصيرا فمعناه طويل فلازم اللازم تأملوه وتفقهوا فيه واعملوا به فإن عملتم به صار نصرا للدين واستقام الأمر إن شاء الله. Il leur dit ces paroles, même s'ils sont courtes, mais leur signification est grande. Il est obligatoire que vous le méditiez, que vous le compreniez, que vous le mettiez en application, car si vous le mettez en application, ça va être le triomphe de la religion et la situation bi'idnillah va devenir droite. يقول والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح برفق خفية ما يشتشرف أحد أي ما يطلع عليه أحد فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلا يقبل منه بخفية فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهرا إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق واستلحق عليه ولا وافق فيرفع الأمر إلينا خفية. Et ils disent ce qui va réunir tout ceci. Quand il arrive un mal d'un émir, d'un prince d'une région ou autre, c'est-à-dire parmi les populations, on le conseille avec douceur et en privé, et que personne ne le sache, qu'on ne divulgue pas le conseil, ou qu'on ne divulgue pas avant d'aller le voir, je vais aller le conseiller. Hein? Dans ces cas-là, si le conseil se fait en privé et qu'il accepte, alhamdulillah. Et sinon, s'il n'accepte pas, on choisit un homme de qui il va accepter. Et on lui envoie, mais en privé aussi. Et s'il ne fait pas, on peut blâmer en apparence. Sauf si c'est un émir. Et qui a été conseillé, qui n'a pas accepté. Hein, et qu'il lui a envoyé des hommes. Un autre homme en privé, il n'a pas accepté. Dans ces cas-là, vous nous ramenez la situation en privé, sans que personne ne le sache. Hein? Donc tout se fait comment? Même un chef de tribu. Hein? C'est à l'époque, et Cheikh Mohammed Ibn Abdelhab, etc., où l'État commençait à se faire, il y avait des princes un petit peu partout. Donc c'est évident qu'ils faisaient des choses. Mais regardez le conseil que leur faisait Cheikh Mohammed Ibn Abdelhab, rahmatullah alayh, que tout doit se faire en privé. Ici même, combien ils n'acceptent pas toutes les situations en privé, bah, qu'ils remontent l'affaire à Cheikh Mohammed Ibn Abdelhab, rahimahullah ta'ala. Hada al-kitab. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الكتاب كل أهل بلد ينسخون منه نسخة ويجعلون عندهم ثم يرسلونها لحرمة والمجمعة ثم للغاظ والزلفة والله أعلم. انت كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من نصيحة مهمة في ثلاث قضايا. Il dit رحمة الله عليه à la fin de sa risale qu'il leur a envoyé, et ce livre, les habitants de chaque région doivent en faire une copie, doivent écrire une copie, la garder. Ils la laissent chez eux pour revenir, hein, et pour la comprendre. Et après, ils doivent l'envoyer dans différentes régions, l'Hurma, l'Majma'a, l'Orat, Zulfa, et ainsi de suite. Et à la fin, ils disent, seul Allah subhanahu wa ta'ala sait, et là s'arrête la citation, qu'a pris Cheikh Abdel Karim, rahmatullah alayh, de ce qu'a écrit Cheikh Mohammed Nablab, rahmatullah alayh, jamia. يقول الشيخ عبد الكريم رحمه الله وهذا الذي قرره هؤلاء الأئمة من كون مناصحة ولي الأمر إنما تكون سرا قد نطقت به النصوص النبوية وشهدت له الآثار السلفية. Il dit رحمه الله عليه ce qu'a confirmé ici, ce qu'ont confirmé ces grands imams, qui est le fait de conseiller le gouverneur en privé et en secret, ceci va conformément, il est conforme au texte et à la législation, au texte du prophète alayhi salam. Il atteste à tout ceci les actes du puiseur radhiyallahu alayhi. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو المغيرة ثنا صفوان حدثني شريح بن عبيد الحضرمي وغيره قال جلد عياض بن غنم صاحب دارا حين فتحت فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض ثم مكت ليالي فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه ثم قال هشام لعياض ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس فقال عياض بن غنم يا هشام بن حكيم قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله فهل لا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى انتهى. Cette histoire que cite l'imam Ahmed rahmatullah alayhi se passe entre deux nobles compagnons radhiyallahu alayhi. Imam Ahmed de dire que le Mughira l'aura dit, que Soufwan l'aura dit, que Shuraih ibn Ubaid l'aura dit, l'Hadrami et d'autres, que Ayyad ibn Ghum a donné des coups de fouet à quelqu'un de Dara quand Dara a été conquise. Un habitant de Dara, quand Dara a été conquise, il a mérité le coup de fouet et il lui a donné. Et ça, ce sont de Ayyad ibn Ghum est un compagnon. Et c'est lui qui a donné le coup de fouet. Et Hisham ibn Hakim est un compagnon aussi. Ben, il était là au moment où le coup de fouet se passait. Et Hisham a été dur dans la parole au moment où le coup de fouet se passait. Hisham a été dur dans la parole avec Ayyad ibn Ghun, jusqu'à tel point qu'Ayyad s'est mis en colère. Et certaines nuits sont passées. Hisham ibn Hakim est venu s'excuser auprès d'Ayyad ibn Ghun. Hisham a dit à Ayyad, n'as-tu pas entendu la parole du prophète alayhi salam dire que les gens qui sont sévères dans le châtiment dans ce bas monde vont être châtiés sévèrement aussi. C'est-à-dire ceux qui ont fait subir un énorme châtiment aux gens vont avoir un sévère châtiment aussi, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ayyad ibn Ghulm lui a dit, ya Hisham, ce sont deux nobles compagnons. Nous avons entendu ce que tu as entendu. C'est-à-dire ce que tu as entendu du prophète alayhi salam. C'est vrai, nous aussi on l'a entendu. Et nous avons vu ce que tu as vu. N'as-tu pas entendu Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dire que celui qui veut conseiller le gouverneur dans une situation, qu'il ne le fasse pas en public. Qu'il le prend main dans la main. Et qu'il soit, que ça soit en privé entre lui, hein, entre eux deux. S'il accepte de lui, ben la situation elle est réglée. Sinon, il a accompli le devoir qu'il devait accomplir. Hein. Il lui a dit, toi Hisham, tu es audacieux. Tu as osé, hein, te mettre devant le sultan d'Allah, devant, hein, celui qui accomplit le pouvoir, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala y a donné le pouvoir. N'as-tu pas peur que le sultan, que le gouverneur te tue et que tu sois le tué du gouverneur que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur le pays? Et là s'arrête la parole, hein, le hadith cité par l'imam Ahmed. Donc regarde comment le compagnon, hein, il a dit comment doit être le conseil Il doit être en privé quand il s'agit du gouverneur. Iyad ibn Ghun, هو ابن زهير ابن أبي شداد أبو سعد الفهري صحابي جليل وهو من با ممن بايع بيعة الرضوان توفي سنة 20 بالشام عياد بن غن يسابل ابن زهير ابن أبي شداد أبو سعد الفهري c'est un noble compagnon qui a fait l'allégeance sur l'arbre l'allégeance de l'agrément بيعة الرضوان il est mort en l'an 20 de l'Hijr الشام ونور دول العربي هشام بن حكيم هو ابن حزام بن خويلد القرشي الأسدي الأسدي صحابي جليل توفي في أول خلافة معاوية هشام بن حكيم سي ابن حزام بن خويلد القرشي الأسدي سي نوبل كومبانيون aussi et il est mort au début de la خلافة معاوية رضي الله عنه وارضاه وشرايح بن عبيد الحضرمي الحمصي تابعي ثقة. شرايح كي رابورت لو حديث دو سي نوبل كومبانيون. سي ان تابعي سي ان سكسيسور دي نوبل كومبانيون اي كي دين دو كونفيونس. سا سكي فا اريفي مانتنون سو سون ليتيد كو فون لي زوم دو سيونس دي شين دو ترانسميسيون. قال الهيثمي في المجمع قلت في الصحيح طرف منه من حديث هشام فقد رواه أحمد ورجاله ثقات dont je vais vous épargner tout ceci tout ce qui concerne l'étude de la chaîne de transmission pour arriver à la conclusion à la fin comme quoi le hadith qui est devant nous est un hadith qui est authentique hein فعلى هذا فالحديث صحيح بهذه الطرق وليس حسنا كما قال بعضهم فضلا عن أن تضعيفه et partant de là après toute l'étude qu'il y a eu de la chaîne de transmission etc sur trois pages on arrive à la fin à la conclusion qu'on croit le hadith selon ces voix qu'a cité Cheikh ici il est authentique il n'est pas bon tout simplement il n'est pas hasan tout simplement comme l'ont dit certains et il n'est pas faible non plus encore moins وممن صححه المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه ظلال الجنة في تخريج الجنة et parmi ceux qui ont authentifié ce hadith donc le muhaddith du siècle son éminent Cheikh Mohamed Nasser الدين الألباني رحمه الله عليه dans son livre ظلال الجنة يقول وهذا الحديث أصل في إخفاء نصيحة السلطان وأن الناصح إذا قام بالنصح على هذا الوجه فقد برئ وخلت ذمته من التبعة il dit رحمه الله تعالى ce hadith il a un des fondements comme quoi dans le fait comme quoi le conseil qui doit être prodigué au gouverneur doit se faire en privé et que celui qui donne le conseil qui prodise le conseil s'il agit ainsi bah, il a rempli son devoir. Il a rempli son devoir. Il a fait ce qu'il devait faire. يقول وفي القصة التي دارت بين الصحابيين الجليلين هشام بن حكيم بن حزام وعياد بن غن أبلغ رد على من استدل بإنكار هشام بن حكيم علانية على السلطان أو بإنكار غيره من الصحابة. إذ أن عياد بن غن أنكر عليهم ذلك وساق النص القاطع للنزاع الصريح في الدلالة وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية فما كان من هشام بن حكيم رضي الله عنه إلا التسليم والقبول لهذا الحديث الذي هو غاية في الدلالة على المقصود Il dit, rahimahullah ta'ala, pour le prouver que le conseil en privé au gouverneur, c'est l'un des fondements. Et que ce hadith, dans cette histoire qui est passée dans, entre ces deux nobles compagnons, est une preuve très forte en cette matière. Il dit, dans cette histoire qui est passée entre ces deux nobles compagnons, qui sont Hisham ibn Hakim et ibn Hizam, Iyad et Iyad ibn Ghun, est une forte réplique à ceux qui prennent comme preuve le blâme de Hisham ibn Hakim en public pour blâmer les erreurs du gouverneur en public. Hein? Ou par le fait que certains nobles compagnons l'ont fait. Car Iyad ibn Hun a blâmé ce qu'a fait Hisham ibn Hakim. Il aura répliqué. Il aura ramené un texte irréfutable et un texte pour couper court à tout ceci. Un texte qui est clair et qui est une forte preuve. Et il leur a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut conseiller le gouverneur, qu'il ne fasse pas en public. Qu'il ne le fasse pas en public. Et la phrase et le contexte de la phrase sort à l'impératif. Donc c'est un ordre. Hein? Hisham ibn Hakim s'est soumis. Quand il a entendu ce hadith du prophète alayhi wa sallam, il s'est soumis. Hein? Et il a accepté ce hadith, hein? Qui est le summum de la preuve dans ce qui est voulu ici. Comme quoi, le conseil au gouverneur doit se faire en privé. Et que tous ceux qui le font sur le manbar ou autres sont dans l'erreur. Ils ne sont pas conformes à la sunna du prophète, ni à la voie des plusieurs, droit Allah alayhi. يقول والحجة إنما هي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول أو فعل أحد من الناس. Et il dit la preuve, il est tout simplement dans le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. Et non pas dans la parole ou les actes de quelqu'un parmi les gens. La preuve, il est dans le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Et il cite les preuves, il est dit dans le verset, et certes la parole des croyants était quand on les appelle vers Allah et vers le messager pour qu'ils jugent entre eux, leur parole était, nous avons entendu, nous obéissons, et ceux-là, ce sont les gagnants, ce sont ceux qui ont réussi. Et celui qui obéit à Allah, et à son messager, et qui craint Allah, et qui préserve les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ceux-là, ce sont les grands gagnants. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Il est dit dans l'autre verset, il n'appartient pas à un croyant ni à une croyante quand Allah subhanahu wa ta'ala décrète et ordonne quelque chose ainsi que son messager qu'ils aient le choix dans leur situation. Et celui qui désobéit à Allah et à son messager, il s'est égaré à un égarement clair. Hein? Et l'ordre du messager, c'est le conseil doit se faire en public. Et donc, si on le fait, doit se faire en privé. Et si on le fait en public, on a désobéi au messager, alayhi salatu wassalam. Et le verset, il dit que celui qui désobéit à Allah et à son messager, il est dans un égarement clair à l'islam. Wa qala ta'ala. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Il cite l'autre verset, il dit, quand il leur dit, venez vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, et venez vers le prophète alayhi salatu wassalam, tu vois que les hypocrites se détournent de toi, ils se sauvent. Hein? إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Parce qu'il est cité aussi ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala se fait le sermon par lui-même. Il est partant sevrant. Ils ne croiront, ça veut dire qu'ils n'auront la foi complète qu'une fois qu'ils te prennent comme juge dans tout litige qu'il y a entre eux et qu'ils trouvent rien à dire quand tu y mets la sentence. Ils se soumettent. Quand la sentence vient du prophète alayhi sallam, on se soumet. يقول وبناء على هذا الحديث العظيم جاءت أقوال السلف وأفعالهم على وفقه كما سطر النقل عن بعضهم في هذا المسطور. Il dit partons de ce hadith, de ce noble hadith, de ce hadith géant, est arrivé les paroles des puiseurs d'Allah alayhi et leurs actes qui sont conformes à ce hadith. Comme tu vas l'entendre, tu vas le voir hein, dans ce qui est là écrit cher dans cette risala. قال الشوكاني في السيل الجرار رحمه الله تعالى وغفر له ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبدل له النصيحة لا يذل سلطان الله. وقد قدمنا في أول كتاب السير أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما قاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. Et l'imam Shawkani de dire dans ses jarrar, il est obligatoire à celui qui a vu l'erreur ou les erreurs d'un gouverneur à certains niveaux, qu'il le conseille et qu'il ne montre pas la sévérité à ce gouverneur et qu'il ne fasse pas le conseil devant en public, devant les gens. Mais qu'il agisse comme il est rapporté dans le hadith, la main dans la main et en privé entre quatre yeux. Et il le conseille, il ne doit pas rabaisser le sultan d'Allah. Hein, il ne doit pas rabaisser quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le pouvoir sur terre. Et il dit, nous avons cité au début du livre des biographies, qu'il n'est pas permis de se révolter contre les imams, contre les gouverneurs, même s'ils arrivent au summum de l'injustice. Tant qu'ils accomplissent la prière, et tant qu'ils n'ont pas montré une mécréance claire. Et je te pose la question, Akhir Islam. Ce sont les ministres comme toi et moi qui doivent dire que ça c'est une mécréance claire, ou on doit remettre les choses aux spécialistes en la matière. Réfléchis. Ce n'est né, hein, nous, ni les débutants dans le domaine de la science, etc. Ce sont les hommes de science dignes du nom qui doivent, qui déclarent que ça c'est une mécréance claire. Encore moins la jeunesse de Facebook. Hein? Encore moins le commun. Hein? On va rendre les choses à ceux qui sont dignes. Hein? Parce que rendre un gouverneur mécréant, tu sais ce que ça ramène? Regarde ce qui se passe maintenant. Partout, les tueries, les innocents qui meurent. Hein? Mais ne sois pas insensé. Ne réfléchis pas comme le khasira. Oui, mais si on n'agit pas ainsi, on ne pourra pas avoir notre droit. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, même si ces gouverneurs s'accaparent de la fortune et te donnent des coups de fouet et te prennent ton argent, tu dois obéir. Tu dois écouter et obéir dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu t'acquittes de ton devoir et tu attends ton droit chez Allah. T'as vu? Ça c'est le prophète alayhi salatu salam. Il ne donne pas ta tête al-ra'i wal-ra'i al-akhar, l'opinion et notre opinion dit al-khasira ou qui que ce soit. Cela il joue le jeu de l'ennemi d'Allah. Et ils veulent la destruction et la perturbation des états islamiques. D'où là où ils le savent ou ils ne le savent pas, ils jouent ce jeu là. Ils veulent l'anarchie, le chaos total dans la communauté musulmane, akhal islam. يقول رحمه الله والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله فإنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. انتهى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. دي رحمه الله ها الحديث sont nombreux. Hadith rapporté par plusieurs voies, par plusieurs chaînes, hein? Et par plusieurs, dans chaque étape de la chaîne, par plusieurs hommes dignes de confiance, hein? Et des hommes véridiques qui ont transmis la vérité, hein? Il dit, il appartient à la population, à celui qui, sous la tutelle d'un gouvernant, d'obéir à ce gouverneur dans l'obéissance à Allah. Et de lui désobéir dans la désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Car il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah, azza wa jal. Donc ceci est clair. On leur obéit dans l'obéissance à Allah. On ne se révolte pas contre eux, on ne se manifeste pas contre eux, on ne fait pas le travail d'El Juhal. Et quand il s'agit de nous ordonner une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ben on ne désobéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول رحمه الله وغفر له ومما يدل على هذا الأصل الأصيل ما أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الفتن قال حدثنا بندار حدثنا أبو داود حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد بن قسيب العدوي قال كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر وهو يخطب وعليه ثياب الرقاق فقال أبو بلال هو مرداس بن أدية أحد الخوارج قال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق هكذا الخوارج أخذ الإسلام فقال أبو بكر أسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله قال الترمذي حسن غريب وأخرجه الإمام أحمد في المسند من الطريق نفسه دون ذكر القصة ولفظه ولفظه من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة قال الهيتمي في المجمع رواه أحمد والطبراني باختصار وزاد في أوله الإمام ظل الله في الأرض ورجال أحمد تقات انتهى كلام الهيثمي رحمه الله عليه الى écoute ce hadith. Je comprends que ceux qui crient maintenant, regarde le gouverneur ce qu'il fait, ils ont des aïeuls, des mauvais aïeuls. Ils ont pas les bons aïeuls, ils ont pas pris les bons, ils ont pris les mauvais. Hein? Ce qui prouve ce fondement principal qui est le fait de ne pas dénigrer, de ne pas parler au mal en public sur le gouverneur. C'est ce qui est rapporté par l'imam Tirmidhi rahmatullah alayh dans ses sunan, dans le chapitre des fitan, il dit, Bandar nous a dit, qu'Abu Daoud leur a dit, que Humayd ibn Himran, ça c'est l'arbre généalogique du hadith, la chaîne de transmission est une particularité de cette communauté. Même les livres, ils ont leur arbre généalogique. Tu as des livres, des rasail du shkhan, qui... T'as la chaîne de transmission jusqu'à l'imam. Et ceci, les hommes de science l'appellent l'arbre généalogique du livre. Et ceci, c'est une particularité de cette communauté. Et tout est à vérifier. Tout est vérifiable, je veux dire. Les hommes de science se sont acharnés sur ceci. Trouve, hein, les livres qui concernent les hommes, et tu trouves, hein, les livres des faibles, les livres des dignes de confiance, les livres du... et ainsi de suite. C'est une religion qui a été protégée min Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après la chaîne de transmission, on arrive au compagnon qui est Abi Bakra. Abi Bakra, il dit Hada Kuseib Ziyad ibn Kuseib Al-Adawi, de dire j'étais avec Abi Bakra, qui était un compagnon, sur le minbar d'Ibn Amir wa yakhtubu alayhi, et j'étais à côté en bas du minbar avec Abi Bakra d'Ibn Amir, le minbar d'Ibn Amir, alors qu'Ibn Amir faisait une khutba. Ibn Amir était l'émir, le gouverneur. Il avait des tissus qui étaient très fins, très légers. Abu Bilal, qui avait la tendance d'El Khawarij, il s'appelle Mirdas ibn Udayya, il a dit, regardez notre gouverneur, il est habillé avec les vêtements des pervers. Abu Bakra lui a dit, tais-toi. Ça c'est un compagnon. Il a dit, tais-toi. J'ai entendu le messager d'Allah dire que celui qui rabaisse le gouverneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un, un gouverneur à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le pouvoir sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala il va rabaisser. Hein? Tirmidhi a dit que c'est un Hassan qui est gharib. Hein? Le hadith a été rapporté par l'imam Ahmed dans le Musnad, par une autre, de la même voix, sans citer cette histoire. Et il a dit, dans la version de l'imam Ahmed, celui qui honore le gouverneur, que Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala donne le pouvoir sur terre, dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala va l'honorer le jour de la résurrection. Et celui qui rabaisse quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala donne le pouvoir sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala va le rabaisser le jour de la résurrection. L'Haytami dans le Mujma' il a dit ceci, rapporté par l'imam Ahmed et par Tabarani, et il a rajouté au début que le gouverneur est l'ombre d'Allah sur terre, et les hommes de la chaîne de l'imam Ahmed sont des gens dignes de confiance. Regarde maintenant la position du noble compagnon. Qu'est-ce qu'il a dit à cet homme qui a parlé au mal sur ce gouverneur? Parce que cette parole allait faire de grands dégâts. Regardez l'habit de pervers qu'il a notre gouverneur. Hein? Et le compagnon, il l'a réprimandé. Il a dit, tais-toi. J'ai entendu le messager d'Allah dire, celui qui rabaisse le gouverneur d'Allah, le gouverneur, la personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le pouvoir sur terre, Allah, il va le rabaisser. Hein? Donc, ceci est très clair. Nous devons être sur la voie d'une puzzle d'Allah Alim, et non pas suivre le vent, le hawa, hein, et les passions, et les démocrates, et les modernistes, et ceux qui mettent la raison avant tout, et ceux qui veulent les intérêts de ce bas monde avant le delà, et ainsi de suite. Nous devons revenir à notre raison, et nous cramponner au livre d'Allah, et à la sunna des prophètes, et cela ne suffit pas, et à la voie d'une puzzle d'Allah Alim pour être sauvé. Parce que c'est dans cette voie-là où tu vois la clarté. Hein? Toutes les citations qui ont été citées, comment les nobles compagnons blâmaient le fait de se révolter contre un gouverneur ou le fait de le dénigrer, de parler au mal de lui en public. Parce que ceci amène un énorme problème. La cata, l'anarchie, hein? Les bains de sang, les viols. قلت أي الشيخ عبد الكريم رحمه الله زياد بن كسيب العدوي قال فيه الحافظ ابن حجر مقبول بن كسيب العدوي كي تي افيك ابي بكر الحافظ ابن حجر سي كلكان كي اكسبتي سادير سي باغول سون اكسبتي سون حديث تاكسبتي وقد تابعه عبد الرحمن بن ابي بكر كما عند ابن أبي عاصم في السنة وفي إسناده ابن لعيها ورجل مجهول وقد حسن الحديث الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة اي زياد بن كسيب a été suivi dans cette transmission d'Abd al-Rahman ibn Abi Bakra comme il est rapporté par ibn Abi Asim dans Sunna et dans la chaîne de transmission de Asim d'Ibn Abi Asim et ibn Abi ibn Lahiha et un homme qui est ignoré qui n'est pas connu. Le Cheikh Nasr, rahmatullah alayh, dans la chaîne des authentiques, a fait que ce hadith, il est hasan. Qala al-Sheikh Salih ibn Utaymin, rahimahullah ta'ala wa ghafara lah. Salih ibn Utaymin, c'est pas Cheikh que vous connaissez, c'est quelqu'un d'autre, qui était un grand khatiba à la Mecque. Cheikh Salih ibn Utaymin, rahimahullah, fi kitabi maqasid al-Islam, fi safha 393 عندما قرر أن النصيحة تكون للولاة سرا لا علانية وساق بعض الأدلة على ذلك ومنها هذا الحديث قال فإذا كان الكلام في الملك بغيبة أو نصحه جهرا والتشهير به من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه يريد الإصرار بالنصح ونحوه لمن استطاع نصيحة من العلماء الذين يخشونهم ويخالطونهم وينتفعون بنصيحتهم دون غيرهم. الشيخ صالح بن عثيمين dans son livre Les buts de l'islam dit donc quand il a confirmé avec les preuves comme quoi le conseil qui doit être prodigué au gouverneur doit se faire en privé et en secret et non pas en public, il a ramené les preuves. Et parmi les preuves, il a cité le même hadith qui vient de passer avec nous. Et il dit, Rahimahullah, c'est le fait de parler sur un roi, c'est le fait de médiser sur un roi, ou de le conseiller en public, ou divulguer ses erreurs, ceci fait partie du fait de le rabaisser. Et en agissant ainsi, on est averti d'un énorme châtiment chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est averti du fait d'être rabaissé le jour de la résurrection. Et il a dit, c'est pour ça, il n'y a aucun doute qu'il est obligatoire de prendre en considération ce que nous avons cité, qu'est-ce qu'il a cité auparavant, dit que le conseil pour le gouverneur doit se faire en privé. Pour ceux qui peuvent le conseiller parmi les hommes de science qui le fréquentent. Hein? Et duquel il prend les conseils, et duquel et leurs conseils lui sont bénéfiques, aux autres. Hein? Donc le conseil doit se faire pour le gouverneur en privé. Toi, tu peux pas dire, moi je ne peux pas y arriver. Ben, tu arrives, tu fais arriver le message à qui peut y arriver. Tu ne peux pas, ben, tu fais rien du tout. Allah subhanahu wa ta'ala t'a pas imposé. Hein? Tu n'as pas à le divulguer sur. Hein? Et sache que beaucoup de rois, sur certains, beaucoup de gens ont des fausses idées, etc. Parmi les gens, ils croient que, par exemple, sur Hassan II, rahimahullah, qu'il n'avait il avait pas des conseillers hommes de science. Il avait un énorme homme de science auquel il faisait confiance, qui était un énorme homme de science, c'est la vie. Quand il rentre dans une région au Maroc, les gouverneurs, ils ont peur. Quand il dit quelque chose, il faut qu'il la mette en application. Cet homme, il s'appelle Abdullah Gnour, rahimahullah ta'ala. Il est de Tanger. Hein? Rahmatullah alayh. Il a laissé un héritage, hein? Parmi des livres, parmi des rasa'il, rahimahullah ta'ala. Et Hassan II lui faisait une grande confiance, à tel point, contre Hada, celui qui veut le pouvoir, là, qui appelle à la révolte contre la monarchie marocaine, Hada. Moi je dis pas l'adl ou l'ihsan parce qu'il n'y a ni adl ni ihsan. Il n'y a ni justice ni bienfaisance. Ils cherchent le pouvoir pour le pouvoir. Et la révolte, ils veulent une révolte à l'iranienne. Ils ont des caractéristiques de Sophie, hein? Ils ont des caractéristiques de Khawari, je dis appel à la révolte, etc. Quand il a écrit sa risala qui s'appelle Le déluge ou l'islam, le roi l'a donné à Cheikh Abdullah Gnoun, la lire. Quand Cheikh Abdullah Gnoun il l'a lu, il a dit ça, ce sont les écrits d'un fou. Il a donné l'ordre qu'on le mette. Et Hassan II, quand il allait quitter Marrakech, à cette époque, il était à Marrakech. Quand il allait quitter Marrakech, rahimahullah, il a donné l'ordre qu'on mette Al-Islamiyah. C'est là où il faut. Là où est-ce qu'on met les fous? Il a suivi ce qu'a dit Cheikh Abdullah Gnour, rahmatullah alayhi. Pas croire. Beaucoup d'hommes de science, hein, Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, des fois, on l'invite au palais. Et il y a des visiteurs officiels qui viennent de différents présidents, etc. Ils sont en train de parler, de discuter de sujets, etc., qui concernent la communauté ou là, du concernent. Et tout d'un coup, il y a l'Aden. Et quand il les voit parler, lui, il leur dit, taisez-vous. Répondez à l'appel. Et quand se termine l'appel et le temps, parce qu'il y a laps de temps pour arriver à la mosquée, 20 minutes, des fois 30 minutes, etc. La mosquée la plus proche d'ici, c'est où? Et on prie ici, non, on prie tous à la mosquée, on revient. Pas croire à l'islam. Hein? Parce que les sororis de notre époque, Hado, qui portent l'étendard de la Qutbiya et de l'esprit de Sayyid Qutb, et l'esprit d'Yel Khawarij, clairement, de ne faire croire que les hommes de science sont des vendus. Les dignes de la communauté, ce sont eux les vendus. La Aden Billah. C'est l'image qu'ils ont essayé d'immiscer à la communauté depuis plus de 30 ans. Hein? Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, salam wa l'afiyah. Il a un qal, rahimahullah. فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضرورية الدين علنا وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك ليس من باب النصيحة في شيء فلا تغتر بمن يفعل ذلك وإن كان عن حسن نية فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم والله يتولاه ذاك انتهى كلامه رحمه الله وغفر له jusqu'à ce qu'il ait dit les paroles toujours sont à Cheikh Salah ibn Uthaymeen. Il dit, le fait d'être en divergence avec le sultan, dans les situations qui ne sont pas des obligations, des nécessités de la religion, hein, et d'être en divergence avec lui en déclarant cette divergence, et le fait de blâmer le gouverneur en public et dans les mosquées et là où il y a les réunions ou dans les journaux ou dans les endroits où on prodigue les exhortes ou autres, ceci ne fait pas partie du conseil. Rien du tout. Ceci ne fait partie du conseil. Et ne te fais pas avoir de ceux qui agissent ainsi. Même s'ils le font par une bonne intention. Car c'est le contraire de la voie sur laquelle était le pisaïr d'Allah Alem qu'il faut prendre comme modèle. Et que Allah subhanahu wa ta'ala te guide. Ici s'arrête la parole du Cheikh Salah ibn Uthaymeen rahmatullah alayh. وما يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في المسند قال حدثنا أبو النضر حدثنا الحجرج بن نباتة العبسي كوفي حدثنا سعيد بن جمهان قال أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصرة فسلمت عليه قال لي من أنت فقلت أنا سعيد بن جمهان قال ما فعل والدك قال قلت قتلته الأزارقة قال لعن الله الأزارقة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. أزارقة فرقة من فرق الخوارج كانت قديما. قال قلت الأزارقة وحدهم من الخوارج كلها قال بلى الخوارج كلها قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست أعلم منه لست بأعلم منه. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني أحمد والطبراني ورجال أحمد تقات وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تخريج السنة. Et ce qui prouve ce fondement principal et cette situation à laquelle nous devons nous cramponner, qui est le fait de conseiller le gouverneur en privé, ce qui est rapporté par l'imam Ahmed dans le Musnad, dit que Abu Nadr leur a dit que le Hajraj ibn Nabatat al-Afsi, le Koufi, leur a dit que Saïd ibn Jamhan a dit qu'il a été voir ibn Abi Awfa al-Basra. Il l'a salué. Et Abu Awfa, ibn Abi Awfa lui a dit, tu es d'où? Tu es d'où, tu es qui? Il dit, moi je suis Saïd ibn Jamhan. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait ton père? Il dit, Azar et Khalon tué. Ibn Abi Awfa lui dit qu'Allah maudisse l'Azariqa, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que ce sont les chiens de l'enfer. Je lui dis l'Azariqa tout simplement ou là tout le Khawarij sont, hein? Il a dit non, tout le Khawarij sont les chiens de l'enfer. Il lui a dit, je lui dis, Saïd ibn Jumha lui a dit, alors que sa main était dans la main de Ibn Abi Awfa, il lui a dit, le gouverneur est injuste avec les gens. Il fait. Il a commencé à lui serrer la main sévèrement. Et à lui écraser la main sévèrement. À lui faire du mal. Et il lui a dit, malheur à toi, Ibn Jamhan. Malheur à toi. Reste dans le groupe. C'est le sultan. Si tu sais que le sultan écoute de toi, va le voir. Si tu es partie de ceux que le sultan les écoute, va le voir. Annonce-lui ce que tu sais. Hein, c'est-à-dire, va le voir. C'est-à-dire que ce soit en privé entre toi et lui. Hein? S'il accepte de toi, sinon laisse-le. Tu ne sais pas mieux que lui. L'Haytami a dit que ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed, par Tabarani, et les hommes de la chaîne de l'imam Ahmed sont dignes de confiance. Cheikh Nasr, rahmatullah, a dit que le hadith est hassan. Donc, Tkhrij Sunnah. Maintenant, regarde. La situation se passe entre deux. Hein? La situation se passe entre deux. Un noble compagnon et quelqu'un qui est venu le voir. Il lui a dit ça entre lui. Il n'a pas accepté de lui. Il lui a dit non. Il lui a écrasé sa main. Il lui a dit non. Malheur à toi. Malheur à toi. Reste dans le groupe. Ne divise pas. Ne sors pas du groupe. Reste dans l'obéissance de ton gouverneur. Si tu sais que le gouverneur, il va t'écouter, va le voir. Et tu le conseilles en privé. Hein? S'il accepte de toi, tu as rempli ton devoir. Sinon, laisse-le. Car tu ne sais pas mieux que lui. Ça, ce sont nos nobles aïeuls que nous devons prendre comme modèle. Nous devons agir ainsi. كما ومما يدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن أسامة بن زيد أنه قيل له ألا تدخل على عثمان لتكلمه فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه هذا سياق مسلم قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في تعليقه على مختصر صحيح مسلم يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله انتهى كلامه رحمه الله تعالى Est-ce qu'il prouve aussi comme quoi le conseil doit se faire en privé et non pas en public? Ce qui est rapporté par l'imam Bukhari rahmatullah alayhi dans son authentique. Il parle l'imam Muslim aussi dans son authentique. L'Oussama ibn Zayd, on a dit à Oussama, pourquoi tu ne vas pas voir Uthman? Pourquoi tu lui parles à Uthman? Ridwanullah alayhi majma'in. Il dit, est-ce que vous voyez que, hein, je dois lui parler en vous faisant entendre? Et que je dois vous faire entendre ce que je lui ai dit? Par Allah, j'ai parlé avec lui, entre moi et lui. Sans que j'ouvre une porte que je n'aimerais pas ouvrir, c'est-à-dire une porte du mal, qui est le fait de critiquer le gouverneur en public ou de parler en public avec le gouverneur, ce qui va faire quoi? Ça va amener la haine, hein, dans le cœur des gens. Et les gens vont trouver quelque chose contre leur gouverneur. Et ceci va les pousser à quoi? À se révolter, à manifester, à faire des dégâts dans les rues, hein. Cheikh Mohamed Nasser dit l'Albani, rahmatullah alayh, de dire, en commentant le résumé de Sahih Muslim, il a dit, le fait de blâmer en public les gouverneurs, il y a dans le fait d'agir ainsi, hein, quelque chose dont il faut avoir peur. Comme ce qui est arrivé quand on l'a fait à l'époque de Uthman, les Khawarij ont blâmé en public Uthman Ridwanullah alayhi, il en a découlé quoi? L'assassinat de Uthman Ridwanullah alayhi. Hein? Et ça, c'est le commentaire, les paroles de Cheikh Nasr. Dire que depuis les nobles compagnons jusqu'à aux hommes de science contemporains, ils sont unanimes sur la même voie. Dans le fait, il ne faut pas se révolter contre le gouverneur. Il ne faut pas attiser la haine des populations contre les gouverneurs. Quand on veut conseiller le gouverneur, on le fait en privé, si on peut. Hein? Et non pas sur le minbar, non pas dans les conférences et ainsi de suite. Etc. Voilà l'unanimité. Depuis les nobles compagnons, jusqu'à à nos contemporains, que ce soit Ibn Baz, etc. Cheikh Al-Albani et autres. Rahmatullah al-Jami'a. وذكر الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن ابن عباس سئل عن أمر السلطان بالمعروف ونهي عن المنكر فقال إن كنت فاعلا ولا بد فيما بينك وبينه انتهى كلامه رحمه الله تعالى حافظ ابن رجب رحمة الله عليه dans son commentaire des 40 نووي des 50 hadith parce qu'il en a rajouté 8 dans جامع العلوم والحكم dit qu'Ibn Abbas, on a posé la question à Ibn Abbas sur le fait d'ordonner le bien au gouverneur et de lui interdire le mal et de blâmer, hein, le mal du gouverneur. Il a dit, Ibn Abbas a dit ceci, si c'est que tu vas le faire, que ce soit entre toi et lui. Si tu dois le faire, que tu vas le faire, que ce soit pas en public, que ce soit entre quatre yeux, entre toi et lui tout simplement. Ils sont unanimes les nobles compagnons ou pas? Hein? C'est ceux-là que nous devons suivre. Ce sont nos plus aïeuls. Ce sont ceux hein, qui ont pris la voie directement du prophète alayhi salatu wasalam et qui ont mis en application directement ce que leur a enseigné le Rasoulullah. Ils ont vu la révélation. La révélation est descendue pour régler leurs problèmes. La révélation est descendue. Eux, ils étaient vivants. Ils ont vu le prophète alayhi salatu wasalam agir. Ils ont entendu les conseils du prophète alayhi salatu wasalam. Ils ont mis en application. Hein? Donc c'est la mise en application directe de ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans la voie de ces nobles compagnons du prophète alayhi salatu wasalam et de ceux qui les suivent à la perfection. Grâce à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yurziqna wa iyyakum husna al-ittiba' wa ittiba' sahabati rasulillah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.